Oui, alors ça va être compliqué de vous avoir un rendez-vous, monsieur. Ah bon, pourquoi ? Le docteur P prend ses congés et le cabinet est fermé pendant les vacances. Ah, le cabinet ferme ? Oui. Mais je fais comment avec ma gastro ? Pardon ? Bon, eh bien, bonne fête quand même, hein. Il y a des moments où on aimerait bien voir un médecin rapidement. Livy, c'est un médecin en quelques minutes, accessible 7 jours sur 7, même pendant les vacances, quand votre médecin traitant est indisponible. Si vous partez en vacances pendant les fêtes, Livy vous accompagne. Téléchargez Livy sur App Store ou Google Play. Livy, un médecin en quelques minutes. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, il était une fois Walt Disney, l'imagination et le rêve au pouvoir. Blanche-Neige et les Sept Nains, Pinocchio, Bambi, Dumbo, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles ou encore Peter Pan. Peu importe votre préféré, vous les avez forcément vus. Aimés ou détestés, ça peut arriver. Laissez une larme ici, un peu d'innocence parfois. Depuis 80 ans, en tout cas. Walt Disney, ses histoires à dormir debout, puisées dans les rêves et cauchemars de la vieille Europe, ont traversé les époques et enchanté des générations d'enfants et d'adultes. Personnages au regard ébahi, animaux malicieux, petits villages paisibles et happy end obligatoire, le style Disney a imposé ses formes lisses et son goût du merveilleux. Oui, mais le cinéma lui doit bien plus. Représentatif de la culture de masse, le succès de l'oncle Walt fait parfois oublier l'étonnante genèse de son aventure artistique et ses multiples inventions. Le technicolor, le son synchronisé et les longs formats dans les films d'animation, la démocratisation de la musique classique ou la conception de studios comme de véritables campus, eh bien tout ça c'est lui. Un âge d'or qui durera 5 ans, de 1937 à 1942, le temps d'une révolution cinématographique, une vraie. Notre invité aujourd'hui, Pierre Lambert, spécialiste de l'histoire du cinéma d'animation, auteur de nombreux ouvrages sur l'œuvre de Walt Disney, dont les derniers consacrés à Pinocchio et Bambi, sont sortis cette année aux éditions Huguin et Munin. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barreur, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Blasé Hollywood, accustomed to gala openings. Le tout Hollywood blasé, habitué au grand gala, se presse pour une soirée des plus spectaculaires. La première mondiale du conte à 1,5 million de dollars, Blanche-Neige et les Sept Nains. Des sosies des personnages font le bonheur du public venu apercevoir la superbe Marlène Dietrich, Doug Fairbanks Jr. et tout un défilé de stars. Shirley Temple est aussi enchantée que les spectateurs adultes de la présence des nains. Mardi 21 décembre 1937, Los Angeles. Ces soirs de première au Carvey Circle Theatre, temple du cinéma hollywoodien. Smoking, haute forme et robe à paillettes, on se presse pour venir voir la dernière création du réalisateur de cartoon le plus célèbre au monde, Walt Disney. Trois ans que l'on entend parler de ce premier long-métrage d'animation de l'histoire qui accumule tant de records, durée de tournage, budget, innovation technique, effectifs de production. On va désormais pouvoir juger sur pièce ce monstre animé, surnommé la folie de Disney, et d'aucuns prophétisent le désastre. Mais oui, enfin, quel est l'illuminé qui voudra payer pour voir une princesse en carton quand il peut se rassasier le vrai sein de Joan Crawford, par exemple, pour le même prix, se moque le richissime producteur Louis B. Mayer. À quelques minutes de la projection, la question reste ouverte et fait trembler Walt Disney lui-même. Ce soir, les spectateurs décideront, comme le pouce de César, de la vie ou de la mort de son entreprise. Pour financer sa folie, plus $1 million, soit 5 fois plus que le budget normal d'un long métrage à l'époque, il y est allé jusqu'à vendre sa voiture. Il n'a jamais cessé d'y croire, mais non. À 36 ans, le père de Mickey Mouse veut révolutionner le 7e art. La lumière s'éteint, le rideau se lève. Walt Disney présente Blanche-Neige et les Sept Nains. Oh! Le plan d'ouverture sur le château de la reine provoque un murmure d'admiration. Puis les rires envahissent la salle aux pitreries de profs grincheux simplés, les autres nains. Certains se cachent les yeux devant la méchante sorcière. Mais Walt ne les voit pas, ne les entend pas. Pendant 1h10, il agrippe la main de sa femme, Liliane, dans l'attente fébrile de la scène, celle qui résume pour lui la puissance de sa vision, sa folie, son pari, la mort apparente de Blanche-Neige. Parce que tu t'es montré si gentil pour une pauvre vieille, je partagerai un secret avec toi. Ce n'est pas une pomme ordinaire, c'est un fruit qui exauce les vœux. Un morceau, et tous tes rêves les plus chers se réalisent. C'est vrai? Oui, jeune fille. Allons, fais un souhait. Et croque-moi ça. Peut-être y a-t-il quelqu'un que tu aimes? Oui, oui, il y a quelqu'un. J'en étais sûre. La vieille grand-mère connaît le cœur des jeunes filles. Allons, prends la pomme, chérie. Et fais un vœu. Je me sens toute drôle. Sa respiration va s'arrêter. Son sang va se glacer. Oh. Ça y est, je suis la plus belle sur Terre. L'émotion réduit la salle au silence. Des larmes coulent. C'est gagné. Le public s'est laissé embarquer par sa princesse en carton. Il a franchi les frontières du réel et du mythe. Toutes les craintes de Walt Disney tombent avec le rideau final. La foule se lève comme un seul homme et applaudit à tout rompre. Le fils prodigue de l'Amérique est poussé vers la scène, ovationné, couvert de fleurs. « J'ai toujours rêvé, déclare-t-il, la gorge serrée, d'assister à Hollywood à la première de l'un de mes films. Eh bien, aujourd'hui, le rêve se réalise. Aujourd'hui, je suis des vôtres. » Et aujourd'hui, 21 décembre 1937, la folie de Disney entre dans l'histoire des cinémas. Perfection du mouvement, animation image par image, son synchronisé, effets visuels, technicolor éblouissant, musique entêtante et personnages attachants, Blanche-Neige et les Sept Nains, inspirés du conte des frères Grimm paru un siècle plus tôt, est un émerveillement. De l'enfant à la femme, le voyage initiatique de son héroïne est autant psychologique que visuel. D'abord incertain, le trait de son dessin s'affirme jusqu'à créer son propre langage et une nouvelle forme d'art. Fini le court-métrage, les gags à répétition et la caricature, on est très sérieux quand on fabrique du rêve, comme l'explique Walt Disney lui-même quelques années plus tard. Dès que j'ai eu les moyens d'expérimenter, j'ai renvoyé mes artistes à l'école. On travaillait sur l'action, la fluidité du mouvement, action, réaction. Alors nous avons créé notre propre école. Et si vous me gardez, je m'occuperai de tout. Je ferai la lessive, la couture, le ménage et la cuisine. La cuisine ? Je n'étais sûr ni du résultat, ni du succès. J'avais investi toute la fortune familiale. J'avais tout misé sur Blanche-Neige. En fait, le banquier perdait le sommeil plus que moi. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. Qui devint amoureuse. Est-ce que ça a été difficile? Ce fut très facile, je t'assure. On ne voyait que trop que le prince était charmant. Le public confirme le verdict des professionnels. Au début de l'année 1938, Blanche-Neige et les Sept Nains est projeté 5 semaines d'affilée au Radio City Hall de New York quand aucun film n'y a tenu l'affiche plus de 3 semaines. Les sorties nationales et internationales prennent le relais. La bobine est traduite en 19 langues. Partout, des queues interminables, petits et grands, mouchoirs et couches-culottes, tout le monde vient. Pour le journaliste Pierre Wolf de Paris Soir, plus grand quotidien français de l'époque, les mots manquent pour évoquer la grâce, la beauté, le talent. Walt Disney, vous êtes un magicien, conclut-il. Oui, et c'est aussi un prince du business. Dès la première semaine d'exploitation, les studios Disney remboursent 2 300 000 dollars de dettes à la Bank of America et organisent une campagne de merchandising sans précédent. Début 1938, les représentations des sept nains ornent toutes les crèches, toutes les pouponnières du monde, les confiseries, les vêtements, les jouets et la chanson « Un jour, mon prince viendra », eh bien, elle est en tête du box-office. En un an, le film engrange un bénéfice record de plus de 8 millions de dollars et remporte 8 Oscars, un grand et 7 petits, tiens donc. Disney rentre du boulot couvert d'or et de gloire. Mais sans siffler, car souffrir en travaillant tel serait sa ligne de conduite depuis son plus jeune âge. Disney a eu une enfance très dure dans le Missouri. Il travaillait tout le temps. Son père était un personnage autoritaire, renfermé et violent. Tu es là pour travailler, pour m'aider. C'était ça, son père. Né en 1901 à Chicago, il passe son enfance dans la petite bourgade de Marceline, Missouri. Ce sont ses plus belles années entre les animaux de la ferme et les vallées verdoyantes du Midwest oubliées auxquelles il ne cessera de rendre hommage tout au long de sa vie. Premier dessin sur le banc de l'école, puis à 16 ans, il est incorporé à la division des ambulances de la Croix-Rouge américaine et embarque vers une Europe embrasée par la guerre. À son retour, en 1919, Liz, comme on l'appelle alors, refuse de travailler dans la fabrique de confiture paternelle et se lance dans l'animation à Kansas City. Le dessin sera sa vie. Et l'époque est passionnante. Les cinémas fleurissent partout en ville. Drogué au Charlot, Disney entraîne chaque soir ses nouveaux amis artistes et tout ce beau monde s'émerveille devant les cartoons qui ouvrent chaque long métrage. L'industrie de l'animation est alors toute jeune. Il n'y a encore ni règles, ni conventions, et encore moins de conformisme. Tout est à faire, mais rien ne se fera sans Walt, et il en est persuadé. À 20 ans, il quitte son boulot de dessinateur de publicité et fonde son premier studio, Lowell O'Graham. Il a un bon coup de crayon, mais son génie est ailleurs. Il consiste à reconnaître le talent des autres. Dessiné par le formidable Huey Kreutz, ses petits courts-métrages truffés de gags lui valent ses premiers succès et ses premiers déboires financiers. En 1923, Alice Comedies, série d'animation qui mêle dessin et prise de vue réelle, ruine le jeune studio. Alors, pas bien. Comme d'habitude, dans ces cas-là, on met la clé sous la porte. Ça veut dire aussi que le soleil est ailleurs. Direction Los Angeles. Avec quelques cartons à dessin sous le bras, Huey Kreutz et son frère Roy Disney, bien meilleur gestionnaire que lui. Hollywood, dans les années 20, c'est une vision de l'avenir, oui, là où il faut être. The right place to be. Et pour le jeune studio Disney Brothers, le succès est rapide, la fièvre créatrice, le travail acharné. Au printemps 1928, pourtant, leur nouvelle création populaire, Oswald le Lapin, est volée par des producteurs sans scrupules. Accablés, Huey Kreutz et Walt Disney cherchent un nouveau personnage aux formes simples. Il coupe les oreilles d'Oswald, affûte son museau et retaille ses moustaches. En une nuit, il trouve celui qui deviendra une légende du XXe siècle. Légende que raconte à son tour le monsieur cinéma français Pierre Tchernia devant les caméras de RTF. Nous sommes en 1974. Et c'est seulement en 1928 que naît Mickey Mouse. C'est dans son atelier, dans son laboratoire, que, apercevant une petite souris qui venait grignoter un morceau de fromage et que de temps en temps, il se met à dessiner partout des petites souris et finalement il dit à sa femme, voilà, ça y est, j'ai trouvé le personnage qui me manquait, c'est Mortimer Mouse. Et Madame Disney lui dit, Mortimer, ça me plaît pas beaucoup, on l'appellera Mickey. Voilà, est-ce que c'est pas une légende tout ça? C'est certainement une légende. Et ce qu'il y a d'ailleurs de très curieux, c'est que je crois qu'il faut dire aussi que cette souris était née en réaction contre les chats. Mais on oublie que c'est une souris, parce absolument, que le propre de ces personnages de dessin animé, c'est de devenir des espèces de petits bonshommes, quoi. Le mot de bonshomme qu'utilisent les enfants quand ils font un dessin. Ce sont des personnages un peu hybrides, et d'ailleurs, des personnages qui sont dessinés dans un style particulier qu'on a appelé le style en eau. Toutes les formes de ces personnages sont des cercles parfaits. D'ailleurs, les deux oreilles de Mickey sont deux cercles parfaits. Et si vous regardez une image de Mickey qui bouge, vous vous apercevez que son profil bouge, mais que les deux oreilles restent toujours totalement rondes. C'est comme si c'était des sphères, en réalité. Oui, oui. « Hub dessine la souris, Walt, sa personnalité, fonceuse, astucieuse, rebelle. Mickey Mouse, bah oui, c'est lui, la métaphore est parfaite. Mais personne ne veut des deux premiers épisodes. Alors Walt s'exclame, mettons-lui du son synchronisé. Difficile de se rendre compte aujourd'hui des enjeux et de l'audace d'un tel défi en pleine course hollywoodienne au cinéma sonore. Le pari est coûteux. Encore une fois, l'entreprise est au bord de la faillite, mais elle signe sa première révolution. Le 18 novembre 1928, dans le court-métrage Steamboat Willie, Mickey siffle sur l'écran, la musique et les effets sonores font partie des gags. Oui, mais personne n'avait jamais vu ça, et le succès est phénoménal. En quelques mois, la petite souris devient la nouvelle coqueluche d'Hollywood et traverse triomphalement les années de la Grande Dépression. Les premiers clubs Mickey voient le jour, tout comme les produits dérivés. Tiens, en voilà une autre révolution, les produits dérivés. La montre Mini, par exemple, se vend à des millions d'exemplaires à travers le monde. Avec Walt Disney, la souris a accouché d'un empire. Voilà, Walt Disney n'a pas 30 ans et il est déjà la première star de l'animation, un producteur et un réalisateur mondialement connu. Son studio s'agrandit, Mickey attire les plus grands talents du pays qui se tuent à la tâche. C'est que le patron est un obsessionnel. Walt exige d'approuver, de viser chaque plan, chaque croquis, fume cigarette sur cigarette, tambourine sur la table pendant les séances d'écriture. Cet homme-là, impatient et surtout gonflé d'audace, alors il est à l'affût des moindres découvertes techniques. Ainsi, en 1931, la couleur apparaît pour la première fois dans un épisode de sa série mythique « Les Silly Symphonies ». Puis il invente la caméra multiplane qui donne à l'image animée une profondeur jusqu'alors inconnue. Au milieu des années 30, le studio Disney d'Hyperion Avenue embauche près de 200 personnes. Côté famille également, tout va bien pour Walt. Après la naissance de Diane, le couple adopte une autre petite fille. Mais attention à l'ennui qui guette ce rêveur hyperactif et entêté d'ailleurs. Il est une nouvelle idée. Il pressent que le dessin animé doit désormais s'appuyer sur de vrais scénarii. Alors, un soir d'été 1934, il convoque tous ses employés sur le plateau du studio. La scène fera date. Seul, devant une salle pleine à craquer, il joue pendant 2 heures l'histoire de Blanche-Neige. Précision sur ce point de l'historien Stephen Waltz dans le documentaire Disney l'Enchanteur. Disney, il est éclairé par un projecteur et il se met à jouer tout seul, sans personne, en one-man show, l'histoire de Blanche-Neige. Il a déroulé tout le film tel qu'il le voyait, en jouant tous les rôles, en passant par toute la gamme des émotions, en incarnant tous les personnages, la reine, la princesse, les 7 nains, et même les animaux. Ses meilleurs animateurs se mettent au travail dès le lendemain. La tâche est titanesque. Pour réaliser ce premier long-métrage d'animation, on calcule qu'il faudra quelque 2 millions de dessins, des centaines d'encreurs et d'animateurs, des mois, des années peut-être, de travail acharné pour venir à bout de ces 90 minutes de film. Chiffres insensés qui exaltent Disney, son âme pionnière. C'est une armée qu'il lève, jusqu'à 750 employés pour réaliser son rêve. Les frais atteignent déjà des records, alors même que les salaires chez Disney sont les plus bas de tout Hollywood, $5 par jour. Mais dans l'esprit de Walt, la satisfaction de travailler pour lui est déjà en soi un salaire enviable. Et pour l'heure, rien ne peut lui donner tort, il est un patron admiré, charismatique, franchement paternaliste. Pour inspirer ses troupes, il va très loin dans ses idées, au propre comme au figuré. À l'été 35, il parcourt l'Europe avec sa femme et cumule les librairies. Le couple revient chargé de plus de 350 livres d'art, albums illustrés et œuvres classiques. Une bibliothèque entière se constitue alors au cœur des studios Disney sur Hyperion Avenue. C'est dans ces récits de la vieille Europe que le génie américain puise son inspiration. Sans complexe, Disney recycle les éléments disparates d'une culture qu'il connaît mal. Comme l'explique en 2006 sur France 3, l'historien Bruno Girvaud, alors commissaire de l'Expo du Grand Palais, il était une fois Walt Disney. Une sorte de mosaïque, de collage que fait Disney avec ses collaborateurs et qui finissent par composer soit un décor, soit un personnage, mais finalement qui est entièrement personnel et entièrement original. Disney intervient extrêmement fréquemment et pèse très lourd dans les décisions. On a par exemple le cas de la sorcière, de la reine en Blanche-Neige, où il dit « ce personnage, je veux que ce soit un mélange de Lady Macbeth, du grand méchant loup ». Et puis pour la scène de la transformation de la reine, regardez du côté des versions cinématographiques de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Pendant 3 ans, Walt Disney ne parlera que de Blanche-Neige, ignorant les cris d'alarme de son gestionnaire de frère Roy. Tout est hypothéqué, mais rien n'arrête le train du progrès. Je sens que nous ne pouvons pas faire des choses merveilleuses basées sur le réel sans d'abord le connaître, le réel, dit Walt. Alors, le studio se transforme en arche de Noé, où les dessinateurs étudient les moindres mouvements des animaux. Une jeune danseuse vient aussi servir de modèle à Blanche-Neige. Son visage, les plis de la robe sont filmés, décomposés image par image, puis retransmis en animation. Cela s'appelle la rotoscopie, un procédé à la pointe de la technologie, et chaque détail transcende tout ce qui a déjà été fait. Un mois avant la première de Blanche-Neige et les Sept Nains à Los Angeles, les animateurs et les coloristes s'affairent encore. Mais le 21 décembre 1937, tout est fin prêt. Et c'est ainsi que s'achève la première décennie Disney, qui a vu le studio bondir de trouvailles en coup de folie, de succès en triomphe. Déjà Walt frétille sur sa chaise. Que va-t-il pouvoir encore inventer ? Sensible, Fabrice Drouel. Été 1938. Quelques mois après le succès phénoménal de Blanche-Neige et les Sept Nains, premier long-métrage d'animation de l'histoire en couleur avec son synchronisé, rappelons-le, les studios Disney embauchent désormais plus d'un millier de personnes et ambitionnent de produire un long-métrage tous les 6 mois. Pas mal tout de même quand on pense qu'il a fallu plus de 3 ans pour faire Blanche-Neige. Mais Walt Disney avait changé de dimension. Partir à l'aventure sans modèle et sans guide. C'est plutôt marrant de faire l'impossible, non ? A-t-il l'habitude de répondre aux sceptiques ? Bien, mais pour s'en donner les moyens, encore faudrait-il avoir un peu de place. Les bureaux d'Hyperion Avenue débordent. De l'autre côté des collines d'Hollywood, à Burbank, Walt achète alors 20 hectares pour construire le studio de ses rêves. Et il invente, bien avant Apple et Google, l'entreprise Campus. Explication de son biographe, Neil Gabler, dans le documentaire Disney l'Enchanteur. Il était conçu pour optimiser le travail, mais également pour susciter un merveilleux esprit d'appartenance. À un moment, Disney a même dit « Ce serait formidable si on construisait un immeuble d'habitation. Comme ça, plus personne n'aurait besoin de partir. » Ainsi, ses employés feraient partie d'une communauté insulaire. Ils œuvreraient tous ensemble à une mission commune, faire de grands films d'animation. C'était là la véritable raison d'être du nouveau studio. Il s'agissait de créer l'endroit parfait pour créer des films parfaits. Oui, créer des films parfaits. Voilà à quoi serviront les recettes colossales engendrées par l'exploitation de Blanche-Neige. Et des idées, Walt en a plein, presque toutes tirées de contes de fées, légendes folkloriques et romans populaires que son public connaît bien. À l'automne 1938, trois grands projets sont déjà sur la table. Bambi, adapté d'un roman autrichien, paru en 1923, Pinocchio, conte populaire italien de la fin du 19e siècle, et Fantasia, un ovni, une expérimentation de musique visuelle sans dialogue, ou presque. Avec ce dessin animé d'avant-garde, entremêlant Bach et Mickey, Tchaïkovski et des ballets dansés par les fées, Disney veut démocratiser la musique classique. Mais pour l'heure, c'est Pinocchio qui prend la première place dans le calendrier de production. Le scénario est complexe, l'ambition gigantesque. À travers ce pantin de bois qui désire devenir un vrai petit garçon, Disney veut aborder de façon réaliste toutes les facettes de l'âme humaine. Raconter l'histoire d'un exclu en lutte pour se faire accepter, en lutte contre l'autorité, la tentation et la perte. S'éloignant de l'histoire originelle, Pinocchio devient alors un conte sur l'appartenance à la communauté des hommes. Un an et demi de création plus tard, en février 40, le deuxième long-métrage animé de Disney sort sur grand écran et il dépasse toutes les espérances. Les effets spéciaux de la baguette magique de la fée aux scènes sous-marines sont spectaculaires et hors de prix, plus de 1 000 $ la seconde. Mais la presse est dithyrambique et le public se passionne pour le personnage de Jiminy Cricket, petit grillon plein de sagesse qui aiguise ce film aux accents sombres, un chef-d'œuvre. Prouve-moi que tu es brave, toujours franc, loyal et obéissant. Et un jour, tu pourras devenir un vrai petit garçon. Éveille-toi, Pinocchio. Éveille-toi. Papa ! Pourquoi est-ce que tu pleures ? Parce que tu es mort, Pinocchio. Non ! Je suis pas mort ! Si, tu es mort. Allons, recouche-toi. Mais papa, je suis bien en vie et même je suis vrai. Je suis un vrai petit garçon. Et tu es vivant et tu es en chair et en os. Oui, youpi. Ah, mais c'est un miracle qu'il faut célébrer tout de suite. Maestro. En avant la musique ! Et pourtant, Pinocchio ne comble pas toutes les attentes de son créateur. Les recettes du film sont insuffisantes. Aux États-Unis, les ventes sont molles. L'Europe, n'en parlons pas. L'Europe en guerre, quoi. Elles sont moribondes. Quelques mois plus tard, en novembre 40, la sortie désastreuse de Fantasia met un peu plus encore le studio en difficulté. Le film, d'ailleurs, divise la critique, virtuose pour certains, hérésie pour d'autres. On l'accuse de traîner la musique classique dans la boue. L'oncle Walt se serait-il surestimé en s'attaquant à la culture savante ? Toujours est-il que les pertes financières de Fantasia excèdent largement celles de Pinocchio, tandis que de l'autre côté des immenses studios de Burbank, la pré-production de Bambi coûte une fortune. D'autres planchent déjà sur un nouveau long-métrage, plus simple, moins cher et surtout moins long à produire, Dumbo. Mais en cette fin d'année 1940, ce n'est pas ce qui inquiète le plus Walt Disney. Il laisse les problèmes financiers à son frère, qui fait d'ailleurs entrer l'entreprise en bourse. Non, ce qui le chagrine, c'est l'esprit de révolte qui commence à régner au sein des studios de Burbank. Ici, la Screen Cartoonist Guild, syndicat qui représente tous les animateurs, assistants, intervallistes et coloristes du secteur, est persona non grata. Inutile, pour qui l'entreprise est une grande famille. Pourquoi vous syndiquer quand je vous donne tout ce que vous voulez ? Demande-t-il à ceux qu'il appelle « méga ». Oui, sauf que début 41, les gars commencent à se lasser des fortes inégalités salariales et de l'ambiance paroissiale du studio. En mai, la moitié du département artistique est en grève, dont, sacrilège, la plupart des animateurs vedettes. Le boss, lui, refuse toute négociation. Et le 29 mai 1941, il réunit ses 2000 employés pour un discours sans équivoque. Certains pensent que nous pratiquons une distinction de classe. Ils se demandent pourquoi certains ont les meilleures places. Pourquoi tel autre a droit à une place de parking ? J'ai toujours pensé, et je penserai toujours, que les hommes qui travaillent le plus y ont droit, ne serait-ce que par respect à certains privilèges. Voici ce que je vous recommande avant tout. Faites le ménage chez vous. Vous n'arriverez jamais à rien en restant assis à attendre qu'on vous dise ce que vous devez faire. Si vous ne progressez pas comme vous le devriez, au lieu de vous plaindre et de maugréer, agissez. Silence hostile dans la salle. En sortant, les employés laissent exploser leur colère. Ils se mettent en grève, ça durera 5 semaines. Walt part alors pour une longue tournée commerciale en Amérique latine, le temps pour son frère Roy de calmer le jeu et signer un accord avec les grévistes. Mais Monsieur Disney a la rancune tenace. En octobre 1947, au début de la chasse aux sorcières McCarthyistes, il est l'un des premiers producteurs d'Hollywood à témoigner de sa propre initiative devant la sinistre commission des activités anti-américaines. Pour dénoncer comme communiste tous les leaders syndicaux qui avaient osé lui tenir tête 6 ans plus tôt. Il y aura donc un avant et un après la grève dans le cœur de Walt Disney, car il se sent trahi et malheur à ceux qui se dresseront sur sa route et ses projets, car des projets, il en a encore plein. Le studio rouvre le 12 septembre 1941 avec un syndicat, mais un tiers d'employés en moins, licenciés. Dumbo, le dernier projet, sort sur grand écran en octobre. C'est une variante éléphantesque du vilain petit canard. Le film dure à peine 1 heure. Le scénario est très simple, le trait épuré, mais sa qualité artistique est remarquable. La scène des éléphants roses, vision avinée, hallucinée de Dumbo, entre dans les annales de l'animation. Et puis, il y a Bambi, qui frôle le miracle. 5 ans de travail pour le film le plus ambitieux des studios Disney, porté à bout de bras pendant la grève, envers et contre tous les problèmes financiers. Les dessinateurs ont traversé le pays pour y photographier la forêt au fil des saisons et rapporter dans leur bagage un faon croqué sous toutes les coutures. Jamais on n'avait poussé le réalisme aussi loin. Et que celui qui n'a pas pleuré devant la mort de la mère de Bambi lève le doigt. Gagné ! Nous sommes sauvés, maman ! Nous... Maman ? Ta mère ne pourra plus jamais être près de toi. Mais lorsque le film sort sur les écrans en août 42, c'est comme si Disney, en l'espace de 2 ans, était déjà démodé. La première exploitation de Bambi ne couvre pas les frais de production, c'est dire. La guerre est peut-être responsable, certes, mais Walt ne peut plus nier l'évidence. Il a trop investi dans les longs métrages d'animation, trop d'argent, trop d'énergie, trop de lui-même. La société est en perte de vitesse, elle croule sous une montagne de dettes, et même ses gars se sont retournés contre Walt Disney. L'âge d'or de ses studios est révolu. Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi, on parle des premiers longs-métrages comme des 5 grands. Des films qui ont tout inventé, tout osé. Les symboles d'un paradis perdu pour celui qui avait sans doute une morale de retard, mais toujours un rêve d'avance. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found out my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. You eat ants? You better believe it. And you're gonna love the way they tickle. Mowgli, look out! The bare necessities of life will come to you. But when? They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, ow! And you prick a raw paw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big paw paw. Have I given you a clue? Golly, thanks, Blue. Paw, paw. Of all the silly gibberish. Come on, Baggy, get with the beat. The bare necessities of life will come to you. They'll come to me. They'll come to you. You say. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Yeah, man. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Yeah, with just the bare necessities of life. Yeah, man. Beautiful. That's real jungle harmony. I like being a bear. That's my Cette atmosphère hollywoodienne qui vous caresse les oreilles, c'est celle de Walt Disney, des studios like Walt Disney, et des débuts de l'aventure que nous venons de raconter et que nous allons étoffer, enrichir avec notre invité Pierre Lambert. Bonjour. Bonjour. C'est spécialiste de l'histoire du cinéma d'animation, auteur de nombreux ouvrages sur l'œuvre de Walt Disney, dont les derniers consacrés à Pinocchio et Bambi sont sortis cette année aux éditions Hagen & Mannin. Dites-moi, Pinocchio, vous en aviez déjà fait un il y a 22, 23 ans, non? En 1995, oui, effectivement. 23 ans, je tombais pile. 23 ans, bah oui, exactement. J'avais fait un premier livre sur Pinocchio. C'était mon premier livre Disney, en réalité. Et, parce que c'était mon dessin animé préféré. Et donc, j'ai commencé par celui que je préférais, tant qu'à faire. Voilà, c'était un livre d'art, déjà, très, très important. Et puis aujourd'hui, bah, il sort 23 ans plus tard, parce qu'entre temps, pendant 23 ans, j'ai retrouvé des documents originaux, très rares, dans des collections privées, même aux archives Disney, que je n'avais pas il y a 23 ans. Donc, le livre est entièrement remanié. En réalité, la moitié des documents du livre n'étaient pas publiés il y a 23 ans. Donc ça fait quelque chose de beaucoup plus riche. Vous êtes très fort, hein, parce que je me suis dit, tiens, je vais le coincer juste pour le plaisir. Il lui pose une question infernale, quel est votre préféré? J'ai pas pu le faire, vous me l'avez dit directement que c'était Pinocchio. Il y en a un second, c'est Livre de la Jungle. Alors que c'est le dernier film de Walt Disney. Dernier, c'est très intéressant, parce que Pinocchio, c'est presque le premier. Enfin, le premier vraiment extrêmement... On va dire que c'est le deuxième. C'est le deuxième après Blanche-Neige. Oui. Et Livre de la Jungle, c'est le dernier qu'il n'a pas vu totalement terminé, mais pratiquement terminé. Et que j'aime beaucoup parce que l'animation est formidable. Et là, en fin de compte, qu'il y a un lien entre les deux, c'est que les animateurs de Blanche-Neige sont les mêmes animateurs pour Le Livre de la Jungle. Ah. C'est la même génération d'animateurs, à un ou deux près évidemment, ceux qui ont quitté Disney après la grève de 1941, mais disons que la majorité des animateurs et des artistes qui ont fait Blanche-Neige ont travaillé sur Le Livre de la Jungle, et c'est le dernier film sur lequel ils ont travaillé quasiment, à part évidemment les Aristochats, Robin des Bois, mais ils étaient de moins en moins nombreux évidemment, puisqu'ils prenaient leur retraite au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui fait que Pinocchio, d'une part, et Le Livre de la Jungle, d'autre part, sont vos préférés? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Qu'est-ce qu'ils vous inspirent de plus fort que les autres? Alors c'est amusant parce que ce sont deux films à l'opposé. Pinocchio, pour moi, c'est le film le plus abouti artistiquement. D'abord par le sujet lui-même, où oui. Il y a une variété de lieux différents, d'ambiances différentes, de personnages différents. Et il y a un travail de recherche artistique extrêmement poussé. Alors c'est lié en particulier à Gustav Tengren, qui était le directeur artistique du film, qui était un grand artiste. Et puis les moyens que Disney avait à l'époque, parce qu'il faut pas oublier qu'on est en 1939-1940, et à ce moment-là, il y a 2000 employés au studio Disney, c'est-à-dire c'est vraiment le moment où il y a le plus d'employés dans l'histoire des studios et le plus de moyens, puisque Blanche-Neige a eu beaucoup de succès et a apporté beaucoup d'argent à Disney. Donc il a pu développer la technique, par exemple, de la caméra multiplane dont vous avez parlé tout à l'heure, qui permet de donner une impression de relief à l'image. Et puis la qualité des animateurs qui, évidemment, a progressé avec le travail sur les courts-métrages de Mickey, puis de Donald, puis Blanche-Neige et les Sept Nains. Et là, on arrive vraiment à un summum. Et le Livre de la Jungle, c'est différent. C'est un film beaucoup plus simple, beaucoup moins étonnant artistiquement. Hein. Les décors sont sympathique, mais c'est pas extraordinaire. Par contre, l'animation est extraordinaire. Et c'est toute l'expérience de ces animateurs qui ont travaillé, qui avaient 25 ans quand ils ont fait Blanche-Neige et qu'ils ont fait Pinocchio, et puis qui avaient 55, 60, 65 ans quand ils ont fait Le Livre de la Jungle, qui avaient une expérience de tous les films précédents, parce qu'il faut pas oublier tous ces grands films, il y en a eu 13 en tout, en long métrage. Et là, ils avaient beaucoup plus de simplicité dans l'expression, et beaucoup plus d'efficacité. Et quand on voit Baloo et Mowgli, animés par Frank Thomas et Johnson, on a l'impression de les connaître. Bien sûr. On a envie d'être leurs amis. Ce sont des humains, quoi. Voilà, ils sont dans notre imaginaire. Quand on est enfant, c'est très très fort. Alors Pinocchio, il y a le fond quand même. C'est-à-dire que ça soulève des vraies questions philosophiques, Pinocchio. Ah, oui, parce que évidemment, plus que tous les autres encore. Bah, c'est le conte de Collodi. Alors c'est vrai que le conte de Collodi et en fin de compte, ce Rudyard Kipling, c'est pas si éloigné. C'est-à-dire qu'on est dans une autre époque où les contes étaient beaucoup plus durs. C'est-à-dire exprimaient vraiment des choses très très cruelles. Pinocchio, faut pas oublier que il écrase Jiminy Cricket avec son maillet dans le conte de Collodi, qui finit pendu à un arbre. Donc il y a des séquences quand même terribles. Il est enfermé en prison, ce qu'on ne voit pas dans le dessin animé. Donc Disney a édulcoré, comme il faisait souvent, les séquences trop sombres du conte. Et il a rajouté, par contre, une fantaisie et des personnages. Tous les enfants pensent que dans le conte de Collodi, il y a Figaro, il y a Cléo, le poisson. Pas du tout. C'est Walt Disney qui les inventait. C'est les scénaristes de Walt Disney qui les ont inventés. Parce que ça veut dire que quand il travaillait, Walt Disney savait qu'il travaillait pour les enfants, mais c'était un tiroir. Il travaillait aussi pour les adultes. Bien sûr. Fallait émerveiller les uns pour qu'ils emmènent les autres, d'ailleurs. Exactement. Dans les deux sens. C'était sa philosophie. Alors, après les relatives contre-performances au box-office de Bambi et Dumbo, dû à quoi votre... On a dit, bon, il y a un contexte particulier déjà. En Europe, c'est la guerre. Mais d'un point de vue artistique, est-ce que Bambi et Dumbo porte quelque chose qui serait moins fort que ce que portait Blanche-Neige? Oui, alors Bambi, d'abord, c'est beaucoup plus sombre. C'est une histoire, la mort de la mère de Bambi, c'est quand même quelque chose de terrible. Alors, il y a eu les traumatismes d'enfance, il y a la sorcière de Blanche-Neige, et il y a la mort de la mère de Bambi. Ça, c'est les deux grands traumatismes dans l'histoire de Disney. Et puis l'histoire est très réaliste. S'il n'y a pas la fantaisie de Pampan et de Fleur qui nous font rire, tout le reste est quand même très réaliste. Et puis il y a un incendie de la forêt qui est quand même terrifiant. Donc c'est un film beaucoup plus sombre, mais comme le texte de Salten, hein, tout simplement. C'est assez cohérent. Et puis Dumbo, c'est un film plus court, hein. Il fait 1h05. C'est plus une fantaisie autour d'un sujet extrêmement, un scénario tout à fait simple. Et ce qui fait le charme de Dumbo, c'est à la fois, évidemment, l'animation du personnage Dumbo, et puis Timothy, la petite souris. Et puis les corbeaux, évidemment, qui apportent la note de jazz à la fin. Et puis il y a cette séquence, vous avez cité tout à l'heure, du rêve des éléphants, qui est une séquence en fin de compte, qui aurait pu être incorporé à Fantasia. On reconnaît le côté musicien des animateurs, parce que faut savoir qu'un animateur sur deux était musicien. Ça avait joué du piano, de la guitare, du trombone. Il y a une relation entre la musique et l'animation qui est extrêmement forte et importante. Et vous savez, quand on a des notions de musique, de solfège, eh ben l'animation, finalement, c'est composer une seconde de mouvement. Et c'est exactement la même chose que la musique. Alors, ce qui est formidable, justement, avec Walt Disney, c'est qu'on est typiquement dans la culture américaine, enfin, c'est un symbole de la culture américaine, mais qui va puiser son inspiration, notamment en Europe, avec les frères Grimm et bien d'autres. Donc ça, c'est formidable, cet élargissement, et qui va aussi magnifier, peut-être faire connaître, ouvrir la porte aux gens, pour qu'ils écoutent, par exemple, de la musique classique. Donc c'est quand même assez formidable de partir d'une culture américaine, très américaine, et s'élargir comme ça. Il y a une explication, c'est qu'une grande partie des artistes, et surtout les artistes essentiels du studio, c'est-à-dire les animateurs, les directeurs artistiques et les scénaristes, étaient d'origine européenne. Oui, ça fait un art universel qui part de... Et cette richesse, États-Unis. Disney la voulait. Mmh. Disney voyageait. J'ai bien connu Joe Grant. Joe Grant, c'était un monsieur formidable, petit bonhomme, et qui accompagnait Walt Disney dans ses voyages en Europe. Mmh. Il a vécu très très longtemps, c'est pour ça que je l'ai connu, il est mort presque 97 ans. Et c'est lui qui a créé La Sorcière de Blanche-Neige et Dumbo, par exemple. Ah oui. Rien que ça. Voilà, rien que ça, et puis l'autruche, l'hippopotame de Fantasia, voilà. Il était très modeste, et c'était un des scénaristes de Disney, et il me racontait que Disney avait une grande curiosité, il n'a pas une grande culture, mais une grande curiosité, justement, pour la culture européenne, et c'est pour ça qu'il a ramené tous ses livres en 1935, et ensuite, il n'a jamais arrêté de venir en Europe, de voyager en Europe, et de visiter l'Europe. Bon, alors à partir des années 40, la concurrence arrive, bien sûr. Et un studio fait particulièrement parler de lui, UPA, United Productions of America, et propose une vision différente du dessin animé, comme l'explique, on va l'écouter ensemble, les animateurs Tom Sito et Robert Givens dans le documentaire Walt Disney l'Enchanteur. On l'écoute et on commente après. Qui a décrété que le but de l'animation était le réalisme ? Pourquoi ne pas exploiter les tendances de l'art moderne? Pourquoi ne pourrait-on pas faire ce genre de dessin animé au lieu d'y introduire ce fichu réalisme tout le temps? Et soudain, UPA est devenu l'endroit où on pouvait expérimenter. On avait une approche totalement nouvelle, à l'opposé de celle de Disney. On s'inspirait des grands maîtres, Picasso, Miro et les autres. Et on a inventé un nouveau graphisme. C'était de l'animation d'avant-garde, de l'art moderne. Alors, concurrence ou nouvelle source d'inspiration pour Disney dans l'animation au niveau du style, de la technique, de l'innovation, ou alors c'est autre chose, moi je suis moi, je reste comme ça. Alors c'est pas un concurrent pour Disney la UPA, parce que... D'ailleurs c'est créé par trois anciens Disney virés d'après la grève. Hein. Bien sûr, dont John Eble, le directeur artistique, un des directeurs artistiques de Pinocchio, de grand talent. Donc en réalité c'est pas un concurrent parce que c'était pas des longs métrages, c'était des courts métrages. Donc en réalité il y avait de la place pour tout le monde. Chaque grande maison de production diffusait ses propres courts métrages en complément de programmes de films de prise de vue réelle. Donc c'était pas vraiment de la concurrence. Par contre artistiquement oui, c'est-à-dire que c'était un renouveau de l'animation. Enfin voilà, ils avaient pas les moyens de Walt Disney de qualité d'animation. Vous savez, ça coûte très très cher. Donc ils ont trouvé des subterfuges justement pour faire des films intéressants, divertissants, drôles, etc. Et le style simplifié le permettait. Et donc ça, finalement, c'est parce qu'ils avaient un manque de moyens qu'ils ont créé ce propre style. Et puis ce style a évolué, même Disney l'a copié avec Mary Blair. Lorsqu'on voit les études d'Alice au Pays des Merveilles, de Cendrillon ou de Peter Pan de Mary Blair, ça ressemble beaucoup au style de la UPA. Donc il y avait en réalité c'était l'époque qui changeait, en réalité, avec l'arrivée aussi de la télévision très peu de temps après. Alors plus tard sont arrivés, bien plus tard, les studios Pixar. Ça, on a l'impression que c'était vraiment très différent. On est passé dans une autre ère qui a peut-être fait vieillir un peu Walt Disney, je ne sais pas. Ça dépend des films aussi. Il y a des films qui sont, je crois, qui ne vieilliront jamais. Parce que vous savez, quand vous vous adressez à des enfants ou à des adultes, vous leur demandez en quelle année a été fabriqué Livre la Jungle. Moi, j'avais des élèves dans une école d'animation. Il n'y avait pas deux années identiques. C'est extraordinaire. Il y en a qui croyaient que c'était fait en 1995, 1998, d'autres 1930. Enfin, je plaisante, hein. Mais voilà. Il n'y avait pas de, en réalité, c'est 1967. Donc, on n'imagine pas que le film est aussi ancien. Pourquoi? Parce que le style du film est moderne par la musique, par le jazz, évidemment, et puis par le style de l'animation. Donc l'animation est intemporelle et intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'on peut emmener les enfants, les grands-parents emmènent les enfants. Voilà, on a tous vu un Disney suivant notre âge de naissance. C'est pas le même, évidemment. Alors, après les relatives contre-performances au box-office de Bambi et Dumbo que nous avons évoquées pendant le récit, Walt Disney se lance dans un nouveau projet mêlant dessin animé, prise de vue réelle avec acteurs, s'appelle Mélodie du Sud. Ça sort en 1946, j'ai l'impression que c'est une œuvre pestiférée aujourd'hui, au sein même des studios Disney, jamais édité en DVD. C'est quoi ce film qui fait tâche, apparemment ? Ah ben c'est l'histoire de l'oncle Rému. Donc évidemment après depuis quelques années, évidemment, Disney fait très attention à tous les films où il y a des minorités caricaturées. Ça a été le cas aussi de Tex Avery, hein. Ces films ont été censurés. Mais l'oncle, en réalité, l'oncle Rému, Mélodie du Sud, est un film formidable avec deux séquences d'animation d'anthologie, évidemment réalisées par l'équipe qui a fait Pinocchio, Blanche-Neige, Fantasia, voilà. Donc il y a une qualité d'animation. C'est deux séquences de 10 minutes formidables, mais le film est assez long et assez ennuyeux en réalité. C'est pas un film formidable. Il y a eu aussi Saludos, Amigos et Les Trois Cabanes. Les Roses, qui ont été réalisés que en même temps et ouais. qui mélangeaient prise de vue réelle et animation. On avait Donald Duck qui voyageait. Bon, comme ça, c'est dommage qu'on ne le voit pas. Ça c'est ça juste en DVD, mais vous savez, c'est les longs métrages qui ont été diffusés au cinéma pendant des années, et jamais les moyens métrages. Et malheureusement, ces films mériteraient d'être montrés sur grand écran parce qu'ils ont été faits avec autant de soin que les autres longs métrages. Alors notre récit s'arrête au début, après les cinq premières œuvres qui sont vraiment les plus importantes, qui dessinent tout. On va quand même avec vous s'intéresser un peu à ce qui s'est passé après, et notamment après Mélodie du Sud. Il y a encore jusqu'en 66, donc la mort de Walt Disney, il y a encore 8 longs métrages d'animation. Quels sont ceux qui ont vraiment marqué après? Alors il y a ceux que Walt Disney a imaginé de réaliser au moment où il faisait Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia. À ce moment-là, il avait beaucoup de moyens. Donc il y avait Alice au Pays des Merveilles, oui. Il y avait Peter Pan, et là les artistes ont travaillé sur le développement des films, de la création du storyboard dès 1939, dès 1940. Donc on a des traces d'adaptation de ces films qui ont été réalisés 10 ans plus tard, de 1939-40. C'est très intéressant. Et on voit que le style évidemment a évolué, 10 ans se sont passés, la UPA est arrivée, et donc a provoqué finalement un changement de style, et puis aussi les moyens n'étaient plus les mêmes. Donc les effets spéciaux par exemple, pour prendre un bon exemple, les effets spéciaux de Pinocchio, de la baleine, sont extraordinaires, mais ça demande un travail incroyable, comme la forêt de Bambi. Dans Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles ou Peter Pan, les effets spéciaux sont beaucoup, beaucoup moins importants. Ce qui veut dire qu'au lieu de 150 personnes qui travaillent sur les effets spéciaux, vous en avez plus que 10. Ouais. Tout simplement. Voilà. Mais ça se sent pas trop parce que l'animation des personnages est toujours au même niveau. Et la grande force de Disney, c'est que la qualité des animateurs est telle qu'on croyait à l'existence des personnages. Et oui. C'est le talent des animateurs qui apporte ça. Et alors moi je me souviens du carton de l'événement créé par la sortie de 101 Dalmatiens. C'était vraiment un tube, c'est tous des tubes, si j'ose dire. Oui, oui, oui. On sera en musique, on parlerait de tubes. Mais celui-là, alors peut-être parce que ça me renvoie à des souvenirs particuliers, voilà. D'autres retiendront un autre film dans sa sortie pendant l'enfance, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les 101 Dalmatiens? Eh ben, 101 Dalmatiens, c'est un changement graphique. C'est-à-dire que... Il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'entre 1955 et 1959, Walt Disney a réalisé La Belle au Bois dormant, qui a pris beaucoup de temps, qui était tourné en 70 mm Technirama, c'est-à-dire en plus Cinémascope, donc très grand format, avec des grands décors. Les personnages étaient tracés à la plume, chaque trait était d'une couleur différente, donc ça coûtait une fortune, et le film n'a pas marché. La Belle au Bois dormant a été un bide. Du coup, Disney a dit, on arrête le dessin animé. Et puis, devant ses animateurs fidèles, ses artistes fidèles, il a accepté de continuer de faire du dessin animé, ce que son frère déconseille. D'ailleurs, il disait, consacre-toi au parc d'attractions, ça suffira. Et les animateurs l'ont convaincu de continuer. Et là, il a dit, ok, mais le budget est divisé par 10. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un moyen de faire des économies, mais pas sur l'animation, pas sur la qualité de l'animation. Donc c'était sur l'exécution de l'image en couleur. Mmh. Et là, ils ont inventé le procédé Grand Xerox. Alors, on connaît la marque Grand Xerox, c'est-à-dire une sorte de photocopieur sophistiqué, ouais, qui permettait de reproduire directement les dessins des animateurs sur des feuilles de plastique et ensuite de les peindre en couleur. Ça faisait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'économies, évidemment. Et c'est comme ça que ce style a été créé, donc qui est très proche des dessins des animateurs. On le retrouve d'ailleurs dans le livre de la jungle ou dans Merlin l'Enchanteur. Mmh. C'est un style plus enlevé et où le tracé de l'animateur, le dessin de l'animateur est fidèle à l'arrivée. Eh ben, je savais bien qu'il s'était passé quelque chose avec les 101 Dalmatiens. On va finir en écoutant tout simplement Walt Disney, enregistré par la télé américaine, dans l'archive que nous allons diffuser. Walt Disney résume bien la vision, la vocation de l'œuvre cinématographique qui est la sienne. Walt Disney, interviewed by Cecil B. DeMille. On dit que les contes de fées ne sont destinés qu'aux enfants. Mais quand vous en adaptez un, ils captivent tout le monde, peu importe l'âge, la langue ou l'origine. Chez nous, dans nos studios, nous sommes sûrs d'une chose. Tout le monde a été un jour enfant. Nous grandissons et nous changeons, mais à l'intérieur, il reste toujours quelque chose de notre enfance. Vous voulez dire un dénominateur commun? Exactement, Monsieur DeMille. un endroit où nous ne connaissons ni la sophistication, ni la distinction, où nous sommes tous simples et naïfs, sans préjugés, confiants. Je crois que si un film touche quelqu'un à cet endroit, il peut toucher tout le monde à ce même endroit. Donc, lorsque nous faisons un film, nous ne pensons pas aux adultes ou aux enfants, mais à ce point pur, au plus profond de nous-mêmes, que le monde a pu nous faire oublier, mais que le film va essayer de raviver. Voilà, c'était la leçon de choses de Walt Disney, et on va terminer par une question toute simple. Quel a été, Pierre Lambert, finalement le plus grand succès de Walt Disney? Ah bah c'est très simple, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains, le premier long-métrage. Ah bah voilà, parfait, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'aventure Disney, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles des sites de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Guillaume Roux qui était à la technique aujourd'hui. Merci beaucoup Fabrice Drouel.